Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap. Maître Gims. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Soyez les bienvenus. Planet Rap entre 20h et 21h. Deuxième semaine, normalement, avec Maître Gims. Maître Gims, son album qui a fait un véritable carton. Hein. L'espace d'une semaine, c'est plus de 85 000 albums vendus. Un album qu'on a pu découvrir il y a une dizaine de jours sur Skyrock entre 20h et 21h. Une première semaine qui lui était consacrée. Et donc une deuxième semaine. Mais il est vrai que je me sens un peu seul. Un peu abandonné pour l'instant dans ce studio, puisque Maître Gims, qu'on va voir ici en live et qu'on aura d'ailleurs tous les soirs de la semaine entre 20 et 21, se trouve en Afrique. Salut Gims. Salut à tous, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, tu es à Lomé, au Togo, Gims. Tu devais être là ce soir dans le studio de Planet Rap et a priori, donc petit souci d'avion, petit problème. Ouais, rien de grave. Là, je reprends l'avion là dans une heure. Je vais à l'aéroport. Donc, j'arrive sur Paris demain matin. Bon, bah demain matin. Ce qui veut dire que demain soir, normalement, tu seras en direct dans le studio. Je ne serai pas abandonné. Voilà, je serai là normalement. Je me suis dit, ça y est, tu sais quoi, il y a eu un truc chelou sur Planet Rap. Une espèce de gris-gris qui ont été lancés sur Planet Rap. La semaine dernière, j'ai eu Ice MC qui nous a quand même fait une belle garde à vue de 40 heures. C'est dingue, hein. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, merde? Qu'est-ce qui se passe dans Planet Rap cette saison? Il y a un truc chelou, non? Je sais pas ce qui se passe. C'était tellement parfait, en fait. Oui, c'est ça. Je me disais peut-être aller voir un marabout, un truc. Il va falloir vraiment que il va falloir que je m'en occupe. Bon, Gims, comment ça va? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tout va bien? À part ça, à part ce petit retard. Bah, à part ça, oui. Bah, écoute, tout va bien. L'album est sorti. On a fait une belle entrée. Tout va bien. Pour moi, tout va bien. Non, mais je le disais en ouverture de l'émission, c'est plus de 85 000 albums vendus, ce qui fait partie des records. Et c'est vrai qu'on se rend pas bien compte, mais dans l'industrie du disque, vendre en une semaine 85 000 albums, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Non, c'est un truc de fou. C'est clairement un truc de fou. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai pas cru. Je réalise pas encore vraiment. Je lis un peu ce qui se passe dans la presse, dans les journaux. C'est vraiment ouf, quoi. Et voilà, puis l'histoire. Je le disais, l'histoire continue, c'est des morceaux qu'on a pu découvrir sur Skyrock, on va encore continuer ce soir. Nous, on a prévu, justement, comme tu pourras pas être là pendant une heure avec nous par téléphone, ça va être un peu compliqué. On a prévu de revenir sur ta première semaine dans Planet Rap, on va réécouter des moments quand, par exemple, Niska est passé avec Barack Adama dans le studio. Ah ouais. On te retrouvera aussi aux côtés de Dawala quand tu expliques le concept pilule bleue, pilule rouge. On reviendra aussi sur les lives que tu avais fait lors de la première semaine Planet Rap. On va rediffuser Brisé tout à l'heure. On va rediffuser Est-ce que tu m'aimes aussi tout à l'heure dans l'émission. On pourra réécouter tout ça et puis vivre un moment quelque part avec toi. Revivre ces moments lors de la première semaine alors que l'album n'était pas encore sorti, où tu avais justement, non pas une inquiétude parce que tu savais que ça se passait plutôt bien, mais voilà, où on est forcément avant la sortie toujours un petit peu inquiet en se disant comment le public comment le public va réagir, toujours un peu, c'est clair. Mais la première semaine a été, il faut se maintenir, quoi. C'est rien n'est fini, rien n'est joué, tu vois, il faut se maintenir, il faut continuer. Les gens ont été présents, j'ai fait pas mal de séances dédicaces un peu partout, et j'ai vu vraiment que les gens étaient là, quoi. Donc, merci à tout le monde, vraiment. Bon bah tu pourras profiter toute la semaine pour remercier tout le monde. On t'attend demain, Gims. Loupe pas le vol cette fois-ci. J'ai pas envie de te faire louper le vol. Non, je serai là demain. Et on compte sur toi. On va en chercher un autre demain et on continuera. Demain, on continuera à fêter ce succès. L'album Mon cœur avait raison. Et puis la tournée aussi. Hein, je le disais, la tournée. Il y aura des places à choper tout à l'heure. Venez vous inscrire pour faire tourner la roulette 41759. Des places pour la grosse tournée de Maître Gims au mois de novembre. Gims, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Merci à toi, merci à tout le monde. Et désolé. Tu salues toutes. Désolé, ouais, t'as bien fait d'en faire un morceau comme ça. Tu chanteras demain en live. Ciao. Merci, ouais. Gims. Merci à tout le monde. Ciao, Gims, qu'on avait ici en direct du Togo, là où il se trouve. Il sera demain soir en direct dans l'émission. Et Gims, l'album Mon cœur avait raison. Tenez, ça donne ça. On vous a ressorti un medley de Gims et de son album Mon cœur avait raison. Écoutez. Planet Rap, Maître Gims. Sur Skyrock. Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. Planet Rap. Planet Rap. Sophie Tello Tello. J'en besoin de Sophie Tello Tello. Amstram, gram, piqué, collé, gramme. Maintenant c'est Instagram. Et je bibi quelques grammes. Arrive, je l'en.

20ème. Maître Gims avec le fa de la section d'assaut pour Longue Vie. Ça aussi, c'est un extrait de l'album Mon Cœur avait raison. Un album qu'on va pouvoir découvrir grâce à vous. Vos morceaux préférés de cet album Mon Cœur avait raison de Maître Gims. Dans un petit quart d'heure maintenant, on mettra les titres qui ressortent le plus. Continuez à les balancer, vos morceaux préférés, avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Beaucoup de demandes aussi, je vous le disais tout à l'heure, pour le morceau Je te pardonne avec Sia. Longue Vie était demandé, bah, là on vient de le passer notamment à l'instant. Et puis dans quelques minutes, ça paie comme jamais, ce morceau avec Niska. On va y revenir et reparler de ce morceau dans quelques minutes. Ne bougez pas. On vous attend aussi au freestyle par téléphone 41 759 pour s'inscrire, ou alors pour faire tourner la roulette avec Maître Gims à l'intérieur. C'est l'émission rap de référence, 20h-21h. Ce soir, Planète Rap, Maître Gims. Maître Gims qu'on retrouvera demain en direct. Si vous n'étiez pas là au début de l'émission, Maître Gims est à Lomé actuellement en Afrique. Problème d'avion, problème pour revenir ici en France, mais il sera bien là demain, il nous l'a confirmé, entre 20 et 21 et toute la semaine sur Skyrock. Là on revit les moments de sa première semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h, notamment lorsque Niska et Barack Adama de la section d'assaut étaient passés. On écoutera ce morceau, ça paie comme jamais. Ouais, on va l'écouter tous ensemble. Parce que celui-ci, il est attendu, ce morceau. Toi aussi, c'était marrant de le faire, celui-ci, ça paie comme jamais, Niska, ouais, non? Ah, j'ai kiffé. C'est un autre délire encore, ouais, de ce que t'as pu proposer. Ah, l'instru, elle est très très très très lourde. L'instru, ouais, elle m'a envoyé loin, tu vois. J'ai écouté l'instru, c'est parti direct. Boum, boum, ah, il a écrit direct, boum, hein. Boum, boum, direct. Il avait, moi, j'ai fait appel à lui, c'était en dernière minute. Dis-toi, je devais rendre le CD dans deux jours, genre. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est le dernier morceau. De courant, c'est le dernier morceau que j'ai fait, c'était Ça fait comme jamais. Il était pas prévu du tout dans l'album. Ouais. Et c'est quoi, c'est un matin, tu t'es réveillé? Barack Adama, il a pensé, moi j'ai fait l'instru, c'est Adama, Barack Adama, il a pensé tout de suite à Niska dessus. Il dit, mais il faut Niska absolument dessus. Ah, c'est toi, ouais. Et vu que c'est un rythme assez, tu vois, c'est coupé, décalé, nigérien un peu machin, j'étais pas sûr qu'il allait apprécier, tu vois. J'étais pas sûr. Non, mais en même temps, je me disais qu'il est, tu vois, il est un peu dans ce délire-là, ouais, tu vois. Ouais. Malgré qu'il fasse de la trappe, machin, mais ouais, ça se rejoint. Ça se rejoint. Ça se rejoint grave. Et il a tout de suite kiffé, il a gratté, ouais, il m'a envoyé le truc, mais carré, mais c'était un truc de fou. Ouais, et de là, c'est parti. This is not for me. Johnny, do me funny. Johnny, do me funny. He's doing me this, he's doing me that, but I know for them on me. If I show you my money, are you gonna dance you? If I show you the way, are you gonna dance you? If I show you my pocket, baby, are you gonna dance you? If I show you the wallet, I will. On casse ta porte, c'est la Gestapo. J'ai retrouvé mes Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là, tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, voilà dit, voilà non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains. Avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma, ma, ma, ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Apprécie mon parcours. Chaîne des catacombes, sale petit coquin, des cocus. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamos pour deux gros coups sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'le dis. Normatisé, maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilasso focalisé. Tapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, imbécile. La concurrence à ma vessie. Le Bouzano et Hermès. Lui vite ton sac, j'fais la recette. Vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma, ma, ma, ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Sapé comme jamais à l'instant avec Maître Gims et Niska. Ça aussi, ça fait partie des morceaux les plus demandés. On va dans un instant partir avec vos titres. Et les plus demandés de Mon cœur avait raison. Continuez à les balancer avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Et juste avant, il y a Staïs par téléphone de Clermont-Ferrand. Comment ça va, Staïs? Ouais, ça va, ça va. Et toi? Tout roule? Ouais, tranquille. Bien? Ouais, tout roule. Week-end, tout roule. Tu es prêt à rapper pour débuter cette semaine dans Planète Rap? Je suis prêt, je suis prêt. Et bon, t'écoute, c'est l'heure du freestyle par téléphone. C'est parti, mon pote. Dans le sort des MC, je veux mon classique sur disque vinyle. Depuis que ça Yves a pris le chromie, des faux frères pleins de regrets m'attisent. T'as pas misé sur les bonnes personnes, trop d'hypocrisie pour l'admettre. Ramasse la concurrence à la belle, mon passé plus violent qu'une chartette. T'as de la tasse entre les narines, j'ai de la dick entre les neurones. J'attends pas que tu me valides pour tout t'enculer dans la zone. Tous mes gars sont paralysés et la peur est canalisée. Me dans le désert comme les pyramides de Gizeh. Content si je suis. Pas besoin de toi sur mes côtes. T'as les manières d'un secret. T'étonnes pas si tu te fais gifler. Chekra ma peine au stylo bic. Car on tue le mal par le mal. Joue pas voyou qui vend des briques. Commence par jurer l'omerta. Même si tu flippes, fallait pas me passer le mic. A trop parler, t'en oublies d'agir. Dans le rap c'est mort, je lâcherai pas la grappe. Et c'est high bang bang dans la cabine. Je suis dans 360. J'ai pas tourné ma veste. Y'a les frères qui m'attendent et j'attends toujours celui qui viendra me taire. Je me suis pas calmé, je fais juste plaisir à la daronne. Je suis toujours ce mec qui paiera pour les bonhommes. On est trop loin, c'est que les barres le savent. Ouais, je bats que pourquoi tu rodaves. J'ai toujours la même éthique, toujours la même équipe. Je traîne qu'avec des bonhommes, on sert des bonnes meufs, on s'en fout de ton avis, gros. Ok, Staïs à l'instant en freestyle. Clairement faire enterrer mon pote pour bien débuter la semaine, bravo. Ouais, merci, merci. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, hein, balance toutes tes infos. Ouais, alors ma page Facebook, c'est Staïf, S-T-A-I-F. Et ouais, c'est tout. Ça, c'est ouais. Ma page YouTube, ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, c'est Staïf, C-L-F, Squad. Donc Staïf, S-T-A-I-F, C-L-F et Squad. Eh ben, merci voilà. À toi en tout cas, Staïs.

voile sûrement la face. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Aveuglé t'es ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que j'essaie d'y croire. Je me voile sûrement la face. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Aveuglé t'es ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Maître Gims. Parce que le cerveau suit le cœur. La version live de Briser, la version de Planète Rap de Maître Gims qu'on retrouvera demain soir en direct entre 20h et 21h et qu'on retrouve aussi tout de suite dans la roulette, c'est parti. Gagne première place de concert pour voir Maître Gims près de chez toi. Comment ça va Inès? Ouais, ça va au max. Ça va en pleine forme ce soir Inès à Rosny-sous-Bois? Ouais, c'est ça, en pleine forme. Et bon, en pleine forme, prête à faire tourner la roulette? Ouais, c'est parti. Allez, c'est lancé, dès que tu veux tu dis stop, on y va. Stop. Et la roulette après ce petit stop de début de semaine, c'est normal Inès. Prends tranquillement. Trop bien. Et ben voilà, Maître Gims en concert avec Skyrock à pas louper. Tu seras à Bercy, le tout nouveau Bercy en plus, hein, qui a été rénové pour accueillir Maître Gims notamment. Deux places pour le 14 décembre prochain, c'est pour toi. Ouais, c'est génial. Je te fais un bisou Inès. Ouais, merci beaucoup. Ciao, passe une bonne soirée. Prochain rencard avec Planète Rap demain avec normalement le retour de Maître Gims. Non, il nous l'a promis, il sera là en direct demain entre 20h et 21h. Et là, c'est Diffoul et... Oh là, oh là, mais ça tousse, c'est le Marseillais, il est malade. Ah, qu'est-ce ouais, qui se passe bah, le Marseillais va te dire, Samy, il va te faire « Oh bah, il fait trop froid à Paris. J'ai c'est infernal froid, chez vous. Infernal, ah, votre j'ai ville. J'ai chopé une crève. Ah. Non, c'est vrai, il fait pas ça reste chaud non plus, hein, il a pas tort. Ah, ça rend malade. Mais là, ça, attends, il y a les températures marseillaises qui arrivent là dans la semaine. Ouais, il va faire beau cette semaine. Ah. Il va faire super beau, tu vas être bien. Ouais. Bronzé. Il manquera juste le vieux port, la bonne mer. Et. Ça fait beaucoup quand même. Bah, tu prends une carte postale. On tira voir la Tour Eiffel. Ouais, ouais, on va dire que c'est pareil, ouais, t'es fou toi. Bon, Fredo, demain voilà. Maître Gims alors. Et bah, demain si tout va bien. L'émission dans laquelle il se passe toujours quelque chose. Je sais, oui, voilà, en ce moment il faut bien suivre. Il y en a plein sur Skyrock, il y a tous les soirs la radio libre, mais chez Fredo c'est pas mal non plus. Hein. C'est pas mal, ouais, ouais, ouais, on s'amuse bien. Après la garde à vue d'Ice MC la semaine dernière, qui l'a empêché de faire l'émission surprise. Pendant deux jours, aujourd'hui c'est Maître Gims. Qui m'a fait une petite surprise aussi. Hein. Et son petit problème de passeport. Bon, on l'avait tout à l'heure en ligne, en tout cas en direct de Lomé au Togo. Ouais, ouais. Et il m'a promis, là, il était pratiquement en train de prendre l'avion, il allait sur la route de l'aéroport, donc il sera là demain. Il a de la chance. S'il en profite. Ouais. Voilà. Et pour tous ceux qui me demandaient, mais est-ce qu'il est en garde à vue lui aussi? Non. Est-ce qu'il a été arrêté par les douaniers? Non plus. C'est un petit problème de. Voilà. Petit problème de papier. Est-ce que c'est un sans-papier? On nous demandait. D'ailleurs, soutien à tous ceux qui galèrent actuellement. Non plus. Non, il a tout retrouvé. Il va revenir. Il sera là demain, 20h, 21h, Maître Gims sur Skyrock. Vous pourrez tout lui demander à partir de 20h dans Planète Rap. Ouais. Merci Fredo. De rien. Nous aussi, on a plein de surprises ce soir. Restez bien dans le coin. Ah oui. Des grosses surprises à retrouver ce soir. Dans un instant, tu as reconnu ce morceau à DJ Snake. Eh ouais, DJ Snake, découvert sur Skyrock dans le Cut Killer Show le samedi soir. Trop bon, ouais, gros morceau. On écoute You Know You Like It. C'est le son qui arrive tout de suite. Et on parlera de la surprise qu'on a pour vous ce soir. Et on vous retrouve évidemment en direct. Si vous avez un truc à dire, profitez-en. Radio Libre, la France entière vous écoute au 01 53 40 30 20. Nous aussi, toute l'équipe vous attend. Ouais. Et puis le 41 759, l'appli Skyrock pour nous laisser des messages. Si vous avez un truc à nous dire, si vous avez un service à demander, vous savez que ici, c'est open, c'est ouvert et ça va tout déchiré jusqu'à minuit. Merci Fredo. Ouais, de rien. DJ Snake tout de suite et Radio Libre juste derrière en direct sur Sky. À toutes. Ciao Fred, à demain. Ciao. À tout de suite tout le monde. Son nouvel album Mon cœur avait raison. Découvert sur